Directement de pas mal toutes les années de l'existence de C'est fou, pas maintenant de 2001 à 2009, maintenant, c'était fou! Bienvenue à cette édition de C'était fou, je m'appelle Mathieu Plante. À chaque fois qu'on se rencontre, à l'habitude, on choisirait une semaine au hasard et on explorerait le top 5 de chaque côté, francophone et anglophone. Mais là, c'est l'édition spéciale numéro 1. Et là, je ne parle pas de numéro 1 à travers juste des semaines comme ça au hasard. C'est à travers le temps, depuis le début de la station. Et on parle de numéro 1 pour l'année au complet, donc que des grands succès. Et j'accueille Nicolas Duchamp avec moi en ce moment. Bonjour! Bonjour Nicolas, qui est arrivé en studio, a enlevé sa gomme, enlevé sa casquette, enlevé ses clés, enlevé sa veste, a failli enlever son chandail. Je l'ai pas mal enlevé aussi. Un petit peu de gêne pour le public en studio. Ben écoute, d'habitude, Dany Janvier parle de fesses, moi je mets de la nudité dans l'émission. Ben c'est ce qui manquait à cette émission-là, je trouve. Hein? Donc Nicolas Duchamp qui a donné ses éphémérides à chaque quelques émissions, chaque quelques semaines, je crois que ça avait trois. Ouais, ben dans le fond, les éphémérides que je fais sont qu'une part les vulgaires copies de ce que Simon Fitzbé fait lors de l'émission Rock Classique. Voilà. Donc et là, ben aujourd'hui comme tu fais 2001 à 2008, dans C'était fou. Pourquoi ne pas sortir quelques nouvelles de chaque année avant d'aller en musique et les écouter avec une belle analyse de ma part? Que ça va être une belle chose. Oui, tu fais bien de le mentionner. On commence en 2001. Pourquoi? La station a commencé le 7 septembre 1997. Ouais. Ben, c'est qu'il n'y avait pas de palmarès de chaque année avant 2001. C'est pour ça qu'on ne commence qu'à ce moment-là. Et d'ailleurs, ben, on va commencer avec l'année 2001 tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, 2001, 15 janvier, une date tellement importante pour tout mon cheminement universitaire. C'est le lancement de la première édition de Wikipédia. Le net. Donc, écoute, tout ce que je vais dire à partir de maintenant, c'est tout tiré de Wikipédia, du copier-coller. Si c'est pas vrai, c'est pas de ma faute si c'est écrit sur Wikipédia. Mais Wikipédia, j'ai hâte qu'on reconnaisse Wikipédia à sa juste valeur. Mm-hmm. Parce qu'on dit souvent n'importe qui peut écrire n'importe quoi là-dedans. C'est vrai, mais c'est aussi vrai pour une encyclopédie papier qui, quelqu'un qui n'a pas de valeur très élevée pourrait très bien faire ça. Donc, c'est connu, ils prennent n'importe qui pour écrire ça, ces affaires-là, les encyclopédies. Je ne sais pas. Sur le bord de la rue. Là, peut-être pas à ce point-là, mais je veux dire, il y a des recueils, des publications scientifiques qui sont bons, qui sont faites par des gens qui sont souvent biaisés aussi. Là, donc, on sait jamais ce que ça peut donner. Donc, merci Wikipédia, grâce à toi, particulièrement quand j'étudie en histoire. 11 septembre 2001. As-tu besoin d'en dire plus? C'était le début d'une nouvelle émission de télé, je pense, qui roulait 24 heures sur 24. Ouais. Ça s'appelait World Trade Center Show. Exactement. Ouais. Donc, les attentats suicides du World Trade Center, on parle d'environ 3000 morts de 80 nationalités. Quand même intéressant de voir qu'il y avait autant de gens qui travaillaient. Autant de nationalités, devrais-je dire. Les 80, c'est à peu près que pas la moitié des pays sur la Terre, mais presque pas tant que ça. Il y en a pas tant que ça. Donc, c'est quand même assez notable. Merci. Donc, on parle... J'ai pas besoin de répéter ce qui est arrivé. On l'a vu. Ça a touché. On sentait que ça l'a touché. Ça en parle encore de 10 ans plus tard. Donc, c'était... probablement l'événement de la décennie 2000 plutôt. C'est marquant. Et dans le monde du sport, l'homme d'affaires américain George Gillette achète le Canadien de Montréal au coût de 275 millions. C'est le même que le Gillette Entertainment Group, là. Oui, mais c'est exactement le même principe, là. C'est la continuité. Dans le fond, Gillette avait créé le groupe de Gillette Entertainment et, avait acheté le Canadien et le Centre Bell, 275 millions. Juste comme ça, il leur a vendu 500 quelques millions l'été passé avec la famille Molson. Donc, bon petit investissement pour George. C'est toujours une commission a été vraiment... Ben, content pour lui parce que d'habitude, il se plante dans la plupart de ses affaires financières et clubs sportifs. Il l'a fait en Europe aussi. Donc, de voir George à la barre du Canadien de Montréal, c'était assez différent. On ne s'attendait pas à ça. C'était un peu sombre comme ambiance, mais il a réussi à faire passer ce club-là des bas-fonds de la Ligue nationale à un club légendaire où est-ce que tout le monde s'empaque. Je veux dire, il n'y a aucun moyen d'avoir un billet pour le Canadien. à cette époque-là, en 2001, tu pouvais y aller. Il y avait des matchs que c'était même pas plein. Donc, c'était beaucoup plus simple. Donc, là-dessus, il a fait une belle opération monétaire. Là-dessus, c'est tout pour 2001, Mathieu. Voilà, merci beaucoup, Nicolas. Et en musique, Mathieu, en 2001? Ben exactement, en musique, dans les palmarès de C'est fou, bon, c'était la première année où on compilait un palmarès de l'année. Donc, il y avait un top 10 francophone et un top 15 anglophone. On n'était pas encore à égalité dans ce temps-là. C'était comme, bon, tu sais, le franco, c'est moins important. Je vais vous mentionner quelques noms qu'on retrouve dans le top 15. Moins choix aussi, peut-être. Peut-être. Donc, il y a plein de noms qu'on reconnaît pas en anglo. Chiquista, Rubberman, Static X, Pain of Salvation. Ouais, quand même. Nickelback. Hein? Nickelback. Stereophonics, Flannel Jimmy, Bloomsday, Dead by Stereo, Pocket Dwellers, Opeth et Rammstein. On va écouter le numéro 1. C'est Buck Cherry avec une pièce de l'album Time Bomb. C'est Ride In. Ça a été numéro 1 au cours des semaines du 23 et du 30 mars en 2001. Alors que du côté franco, bon, pas grand-chose à dire. Hein? Les Martiens, Voodoo Jazz, La Clé. Aucune idée. Noy, hein, OK. Molon Serge, Mickey 3D. Uh-huh. Sunny Side Up et Visible Wind. On va entendre à l'instant le numéro 1 sur l'album homonyme de Vulgar Daily. C'est le morceau qu'on va entendre. Il s'appelle « Fais voir ta chatte ». Et là, c'est très, très élevé. C'est très vulgaire, à souhait. C'est mal propre, on pourrait même dire. Donc, Vulgar Daily, voici « Fais voir ta chatte ». C'était fou. Nickelback. Shut up! position numéro 1, francophone et anglophone, pour l'année 2001. Ah, c'était fou. On va dire les petits top 3, juste pour se renseigner, pour se remettre dedans. Du côté franco, la position numéro 3, c'est Sunny Side Up avec Amer. En deuxième, c'est Visible Wind avec Maniacri. En première, on a entendu au début du bloc Vulgar Daily avec Fais voir ta chatte. Ça a atteint la position numéro 2 au cours de la semaine du 6 avril. Du côté anglophone, on a entendu Buck Cherry avec Ride In. C'est ce qui vient de se terminer. Numéro 1 des semaines du 23 au 30 mars. En troisième, allons-y dans l'ordre à partir de là. Hein. En deuxième, Rammstein avec Link 234. Et en troisième, Opeth avec The Drapery Falls. Voilà. On n'écoutera pas d'extrait de 2002. Par contre, on va parler de l'année un petit peu avec toujours Nicolas Duchamp. Et voililà. Donc, 2002, petite année au point de vue nouvelle, étonnant qu'on puisse dire une année complète était petite, mais ouais. Wikipédia me donnait pas du stock intéressant. seule chose que j'ai remarqué qui m'a frappé là, en tant qu'amateur de sport, du 8 au 24 février, bon, c'était les Jeux olympiques d'hiver à Salt Lake City et on a eu droit à la nouvelle de l'année dans le monde sportif, le scandale en patinage artistique. Le Jamie Salé, David Pelletier, patineur canadien, blablabla, font leur routine, ont une performance meilleure que les Russes Elena Beredienne-Nyanyeva et Anton Sikaru-Litz. J'aurais dû les pratiquer. Ouais, c'est parfait. Je veux dire Elena et Anton. Mais au pointage des juges, finalement, ils terminent deuxième. S'en suivit une controverse dans les médias canadiens et américains un peu partout à travers la planète. On apprend par la suite que c'est probablement plutôt la juge française, c'est-à-dire Marie-Reine Le Gougne, qui aurait reçu des fortes pressions de la part du président de sa fédération française de patinage artistique, Didier Galaguet, pour qu'elle vote plutôt en faveur du couple russe. En retour de quoi un juge russe allait voter pour un couple français dans une autre compétition. Du blablabla comme ça. Donc, en fin de compte, finalement, ce qui est arrivé, tout est bien, qui finit bien. Les Canadiens ont reçu une médaille d'or, tout comme les Russes. Parce que c'est pas nécessairement de la faute des patineurs russes, probablement de leur fédération, mais pas des patineurs. Donc, on donne deux médailles d'or à tout le monde est heureux, ça finit bien. Et bon, aujourd'hui, les Russes, je sais pas ce qu'ils font, puis Jamie Selle et David Pelletier sont divorcés. C'était 2002. Ben oui. Côté musique, en 2002, notre palmarès, c'était encore top 10 franco, mais du côté anglo, c'était rendu top 10 aussi, donc là, on était à égalité, mais avec moins de pièces. Hein. Je vais vous nommer quelques artistes. Kawhi Fringant, Kermes, Le Nombre, Grimmskunk, Mamzelle, Marmotte Aplatie, Mogilny, et dans le top 3, Ellie Morgan avec Demi-10, en deuxième, Une Idée avec 8e jour. On a déjà entendu ça ici à C'était Fou. Et en première, on a entendu aussi Julie Doiron avec Au Contraire. Du côté anglophone, artiste Eldritch, Project Wise, Synergy, Bad Religion, Vanden Plas. C'est à quel de Bad? Epiphany. C'est la mienne, ça. C'est très solide. Aussi The Hives et System of a Down. Dans le top, le top 3, ça ne dit pas l'artiste, je vais dire, je suis le top 2, tiens. De la deuxième position, Rob Zombie, c'est pas compliqué à dire. Rob Zombie, Feel So Numb sur l'album de Sinister Urge. Et en première, c'est Archive avec Again, une pièce qui dure comme 16 ou 17 minutes, là. Sur l'album You All Look the Same to Me, ça a été numéro 1 pendant 3 semaines, les 6, 13 et 20 septembre. On va aller à 2003, et encore une fois, Nick, qu'est-ce qui s'est passé en 2003? En 2003, du côté de la planète, guerre en Irak. Hein? Au moins 10 millions de personnes avaient manifesté dans plus de 600 villes du monde contre la guerre. Ça n'a pas donné grand-chose. On part en guerre le 20 mars, début des bombardements. L'équipe, dans le coin gauche, les États-Unis, le Royaume-Uni, dans le coin droite, la troupe de Saddam Hussein s'affronte. Donc, c'est pas mal ça. On se souvient que ça a été réglé en pas très long techniquement, mais réellement, on est encore en Irak du côté des États-Unis. Moi, ce que j'en retiens surtout de cette année-là, en 2003, c'est une très forte année au niveau cinéma québécois. Ouais. Les Invasions barbares, et La Grande Séduction, deux films qui sont sortis dans cette année-là, deux films que j'ai trouvé excellents. Je pense que ça prouve qu'au Québec, malgré des budgets qui sont beaucoup moins élevés, on est capable de faire du très bon cinéma. Et même Marc-José Cross, qui avait reçu le prix du meilleure interprétation féminine à Cannes, alors que le film, lui, en tant que tel, avait reçu celui du meilleur scénario. Et du côté de La Grande Séduction, plutôt n'avait pas été à Cannes, parce que je pense qu'on peut présenter, on est réduit au nombre de films, mais avait quand même remporté des prix et c'était une excellente interprétation. J'avais adoré la simplicité de ce film-là, sans tomber dans la comédie romantique chiante. Et autre nouvelle, Wilfred Leboutillier remporte le Grand Prix de Star Academy 2003, donc on se rend compte que ça a donné toute une carrière. Félicitations, ben oui. Wilfred. C'est tout pour 2003. C'est tout. Bon, ben, on va retourner au côté musical dans ce cas-là. Go. Et là, tu vois la progression des palmarès, OK? Tantôt, c'était top 10, top 15. Après ça, c'était top 10, top 10. Ça a redescendu. Là, top 10. Top 5, top. Non? Okay. Non, quand même pas. Top 10 franco et top 30 anglo. OK, qui c'est qui a décidé de faire du zèle, là? Ah, ben ça, c'est Alain. C'est sûrement Alain, directeur de la programmation. On le remercie d'ailleurs. Donc, je vais nommer des artistes en francophone. Capitaine Révolte, Caïman Fou, Yannick et les Barniques. OK. Géronimo, André, Yann Perrault, Starbuck et les Impuissants. Venus 3 et Alligator Trio. On va entendre la position numéro 1. C'est Antoine Graton avec Jack qui a été numéro 1 pendant 3 semaines. Les semaines du 4 juillet, 11 et 18 juillet. Côté anglo, là, je vais en nommer un petit peu moins parce qu'il y en a quand même pas mal. Là, je remarque The Deers, Evanescence. Eh ben. Ça me surprend. Porcupine Tree, Jet, White Stripes, Marilyn Manson, Iggy Pop, Placebo, Opeth, Coldplay, Billy Talent, Three Days Grace, I'm a Robot. Il y a des groupes qui se répétaient. Billy Talent était là deux fois. Ben, Billy Talent, on a peut-être un des premiers, ouais, des premières radios à jouer Billy Talent au Québec. Là. C'est tout à fait vrai. Plusieurs extraits de Donna's, Jane's Addiction, Porcupine Tree, Sloan et Thunder. On va entendre le numéro 1. C'est Detroit. Philharmonic Symphony avec It's All Over for El Presidente sur l'album Sweet Testimony. Ça a été numéro 1 pendant 2 semaines. Donc, on va écouter ça. Et puis, c'était l'année du premier album de Yann Perrault et Caïman Fou. The Darkness était très, très fort à ce moment-là. I believe in a thing called love. On se rappelle pas vraiment toutes les paroles. Hein, malheureusement. Donc, on écoute pour commencer du côté francophone la position numéro 1, Antoine Graton et Jack, tout de suite au 89.1 FM. Jack, c'est un bon gars, il se couchait tard. Jack, il aimait ça, sortir pis rire, pis on a eu un fun rare. Toujours un bon ami, on veut s'ennuyer de lui. Mon Jack, il est mort aujourd'hui. Jack, il essayait bien d'aimer tout le monde. Mais toi pis moi, on le sait bien. Comme des trous de cul dans la vie, pis qu'on peut pas aimer tout le monde. Ceux qui aimaient les aimaient fort, tandis au pied de l'oratoire. Jack, nous s'aimons encore. Jack, tu vas te battre trop vite. Tu nous as laissé tout seul ici. On se reverra bien au paradis ou en enfer, puis on ira prendre une bière. Oh, Jack, c'est un bon gars, on va s'en souvenir. Voir souffrir, ça fait qu'affiche ton sourire. S'il y a une chose qu'il détestait, c'était de voir la face quand on voyait. Maudit mon Jack, maudit vous aimez. Thank you. Et position numéro 1 de l'année 2003. On vient d'entendre du côté anglophone Detroit Philharmonic Symphony avec It's All Over for El Presidente sur l'album Sweet Testimony, numéro 1 pendant deux semaines en juin et juillet. Position numéro 2 en anglo, c'est Thunder avec Loser et en troisième, c'est Sloan avec Backstabbing, oui. Du côté francophone, au début du bloc, on a entendu Antoine Graton avec Jack sur l'album Montréal Motel. En deuxième, c'est Alligator Trio avec Hier au soir et en troisième, Venus 3 avec Si tu rêves. Au retour de la pause, on va voir les années 2004, 5 et on verra pour le reste. Si ça rentre dans le temps. Bon, on verra. Là. On verra. Voyons, pas de niaisage avec ça. Sinon, on défonce. Là. Ben oui, l'émission d'après, c'est qui aime ça? Un épais, là? Mathieu Plante. Tu expliqueras la situation. Ah, il est capable de comprendre ça. Ouais. Restez donc là, voir. Très fou dans vos oreilles. 89. Bon, retour, c'est la deuxième partie de C'était fou, l'émission qui rembobine C'est fou. Et là, c'est une édition spéciale rétrospective. Donc, on vous présente les numéros 1 de plusieurs années choisis à travers l'histoire de C'est fou depuis 1997. On focus surtout sur les années 2001 et plus récentes parce que c'est à partir de là qu'on a commencé à faire des rétrospectives annuelles. On est rendu à l'année 2004 et Nicolas Ducharme est toujours avec moi. Hein? Toujours! Qu'est-ce qui s'est passé en 2004? Alors, le 4 février, une invention qui a révolutionné nos vies. Facebook! Le lancement du célèbre réseau social Facebook. Donc, je te poke, tu me repoke, on se met un event et etc. Oui, c'est ça. 2004, donc Mark Zuckerberg, qui aujourd'hui a une fortune estimée à 26 milliards grâce à ce réseau social, à cette chose qu'on engraisse tous les jours, qui s'engraisse tous les jours, devrais-je dire, et qui, disons-le, est en train de révolutionner les vies beaucoup plus que... depuis le téléphone, Internet, Facebook... C'est pas mal ça. Je me demande ce qui est après, parce que ça va mourir. Je veux dire, tu sais, MIRC, il n'y a plus personne qui va sur MIRC. ICQ non plus, ça. ICQ non plus, donc Facebook reste peut-être 5 ans de vie à Facebook, peut-être. 6 ans de vie. Après ça, ça va changer. Est-ce que Twitter sera le prochain qui va être vraiment utilisé, genre... Jaillit Twitter. Ouais. C'est comme les tablettes, je comprends pas à quoi ça sert. Bon, on ne partira pas le débat sur les tablettes, là. Ben, je comprends pas, en tout cas. Ouais, bon. Les tablettes informatiques, là, pas genre dans mon rangement, là. Ça, t'aimes beaucoup les tablettes de rangement. Ben, c'est utile, ben, ouais. Faut que je mette mes macaronis à quelque part. C'est clair, hein. Avec mon accent italien. 19 février, le premier ministre canadien Paul Martin annonce la création d'une commission présidée par le juge John Gomery, chargé d'enquêter sur le scandale des commandites, donc le fameux scandale des commandites, qui fait qu'aujourd'hui, pour les élections fédérales qui seront dans deux semaines, les libéraux, partis comme c'est parti, vont terminer troisième, une belle honte, parce qu'ils nous ont fait honte à nous, tous les Canadiens, durant cette période-là, ou du moins avec toutes les révélations qui sont sorties. Donc, c'était pas très génial de les voir faire. Pas fort. Et 29 septembre, les Expos de Montréal jouent leur dernier match au Stade Olympique. On sait ce qui est arrivé après, quelques matchs plus tard. C'était leur dernier match à New York et ils sont maintenant disparus. Ils se sont en allée du côté de Washington. Les Nationals de Washington. Ça me manque beaucoup, les Expos, mais en même temps, avec l'appui, c'est comme un peu quelqu'un qui est dans un coma. Des fois, il faut décider de débrancher et de laisser aller parce que c'était un état végétatif un peu pour les Expos de Montréal depuis qu'on avait annoncé qu'il n'y aurait pas de stade au centre-ville. Donc, les Expos, bonsoir, ils sont partis. Ouais. Mais là, on voit Youpi une fois de temps en temps. On a racheté Youpi à coût de quelques centaines de milliers de dollars. Ça valait la peine. Ça valait la peine. C'est un outil de marketing génial pour le Canadien de Montréal. Donc, bon move, pareil, du côté du Canadien, de racheter Youpi et de le sortir des boulamites. Voilà donc pour 2004. Oui. On va parler un petit peu du côté musical de C'est fou en 2004. On avait maintenant deux top 50, franco et anglo. Là, on s'est dit, gars, les top 10, ça va faire. Les top 15, on s'en fout. Les top 20, c'est pas assez. Top 50. Top 50. Donc, du côté francophone, je vous nomme quelques noms. Il y en a tellement. C'est incroyable. Loco Locas, entre autres. Il y a aussi les Pistoleros, les Breastfeeders, André-Antoine Graton, La Descente du Coude, Melon Serge. Des groupes qu'on reconnaît parce qu'on a déjà nommé dans d'autres années. Armand Guédon, Carquois, quoi d'autre? Gwen Wedd. Le top 3, c'était... Gwen Wedd. Très cool. En troisième position, on retrouve Prototype avec Danse sur la merde. En deuxième, Alf Dernauer avec Taste You, Te goûter. J'aime vraiment pas cette pièce-là, mais il y a d'autres Jean, c'est comment fou qu'il adore. Comment tu t'appelais ça? Auf der Mauer. C'est Melissa Auf der Mauer. Ah, oh, Auf der Mauer. Auf der Mauer. Oui, qui était guitariste dans le groupe avec Courtney Love, Hole. Je pourrais pas te dire, probablement, peut-être. Yes, moi je le sais que c'est vrai. Caroline, que tu me bosses sur Belles Arts. Numéro 1, on va l'entendre dans quelques minutes, Lou Jay avec Mosh Pit sur l'album Ouvert au bout. Ça, ça a été un succès monstre, phénoménal, un méga giga succès, je pourrais dire. C'était numéro 1 pendant la semaine du 8 au 14 octobre et puis numéro 2 pendant 3 autres semaines. Du côté anglophone, quelques noms en rafale. Zach de la Roca. Ben oui. Oui. The Vines. Rage contre la machine. C'est exactement ça. Encore une fois, Auf der Mauer. Mais toi, tu dis Auf der Mauer. Auf der Mauer, oui. Ouais, Auf der Mauer. Ça se dit comme ça s'écrit. Ouais, mais non, mais c'est ça, non. J'avais cherché à cette époque. Non. Beastie Boys, The Darkness. Encore. A Perfect Circle, Velvet Revolver, j'ai nommé deux fois la même affaire. Waking Eyes, Jet, Modest Mouse, The Strokes, un paquet d'autres choses. C'est des maudits bombes là, qui roulaient. Mais c'est pas ce qu'on va écouter du tout. Non, mais ça reste très, très bon. Je vais être déçu, on dirait, de la tune finalement que tu dis. C'est, oh. C'est ça l'affaire. Position numéro 3, Jet avec Cold Hard Bitch. Deuxième, Just Like You avec Three Days Grace. Et en première position, c'est The Stills. Avec Still in Love Song. Tu connais ça? Oui, un peu. Ça a été numéro 1 pendant deux semaines. Celle du 23 avril et du 30 avril. Donc, pour commencer, le numéro 1 francophone, voici. Qu'est-ce qu'on disait que c'était? Ludger avec Mosh Pit. Ah, c'était fou. Après ça, ben, ça sera l'année 2005. Hein? Étape par étape. T'es un gars logique. Quand même. The Steals et The Still in Love Song, position numéro 1 de l'année 2004. Avant ça, c'était Ludger avec Mosh Pit du côté francophone. Toujours à C'était Fou, l'émission qui rembobine C'est Fou. Et là, à la place de choisir une semaine donnée depuis le début de C'est Fou, ben, on vous présente les numéros 1 des années depuis le début. Rétrospective, mais de l'année, donc c'est des bonnes affaires. Que tu connais pas nécessairement, mais que c'est bon pareil. On est rendu à l'année 2005 et Nicolas Duchamp est toujours avec moi pour les éphémérides. Exactement. Alors, allons-y avec 2005. Eh bien, présentement, Mathieu, c'est les séries éliminatoires. Je sais que t'es passionné de ça, là, du côté du hockey. Oui. Alors, en 2005, il n'y en a pas eu. Parce que c'était le lockout de la Ligue nationale. Oui. Donc, le 16 février, la saison 2004-2005 de la Ligue nationale de hockey a définitivement été annulée. Parce que les propriétaires et les joueurs n'ont pas trouvé de terrain d'entente. La Coupe cette année n'a pas été remise, ce qui était la première fois depuis 1919-1920, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'il y avait une épidémie de grippe espagnole, ce qui fait qu'on n'avait pas disputé la finale de la Coupe Stanley. On le sait par après, à force de négociations, on a réussi à s'entendre, on a mis un plafond salarial et depuis, disons-le, les finances de la Ligue nationale vont un peu mieux qu'ils vont présentement, même si on parle de déménagement possible déménagement de franchise vers le Canada, Winnipeg. Pour les auditeurs qui nous écoutent au mois de juillet ou du mois d'août, donc on voudrait vraiment féliciter les insérer le nom de l'équipe gagnante ici. Pour leur super participation. Vous êtes vraiment wow! OK, parce que tu veux pas, je parle d'actualité présentement. Non, c'est correct, mais je veux juste le préciser. OK. Parce que vraiment, cette équipe-là, c'est c'était vraiment bon. Ça ne paraît pas du tout quand je fais ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ça marche pas du tout. Pas sûr que les gens à la radio ont bien compris ce que tu as dit. Pas tout à fait, c'est ça. En tout cas, l'équipe qui a gagné, là, vous savez qui c'est qui a gagné. Voyons, on ne faisait pas des épées. La Coupe Stanley ou le déménagement? Ouais, c'est ça, là. On va t'oublier là-dessus. D'accord. Et tu parlais de où? Où est-ce que tes rediffusions vont avoir lieu de cette émission, probablement? Peut-être, oui, sûrement. Oui. 29 août 2005, l'ouragan Katrina qui touche les États de la Louisiane et du Mississippi, qui a fait plusieurs centaines de victimes, d'énormes dégâts. Bon, la Nouvelle-Orléans n'est pas encore totalement rebâtie maintenant. C'est une digue au niveau du pont du lac Pontchartrain, qui, oui, est réellement Pontchartrain. Pont-char-train. Pont-char-train. C'est comme Planes, Trains, and Automobiles, ouais, le film. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, Pont-char-train, qui est un très grand lac, là, en passant, allez voir sur Google Maps, qui a cédé, bon, et a provoqué l'inondation de la Nouvelle-Orléans. Donc, ça avait été assez catastrophique. C'est ce qui conclut 2005. Et en musique, Mathieu, comment était 2005? Avant ça, je voudrais quand même dire, tu sais, je suis vraiment désolé pour ceux qui nous écoutent au mois de juillet ou au mois d'août. J'aimerais vraiment sincèrement dire que je suis vraiment triste pour les gens de insérer le nom d'un pays ici qui sont maintenant sans maison et sans vie. C'est, ils devraient bâtir leur vie au complet. Okay. Donc, côté musical, en 2005, on était rendu encore une fois avec des top 50 des deux côtés, donc ça allait vraiment très très bien à ce niveau-là. On je avait pense des que... top 50? Incroyable, hein? Voyons, il avait mis Alain sur quoi, là? Je sais pas trop, il avait envie de travailler cette année-là. On va nommer quelques artistes rapidement. Du côté francophone, on parle de... Il n'y a pas de radio qui a des top 50 ailleurs. Non, mais c'est pour les années. Là. Oh, les années, ouais, OK. C'est moins surprenant quand même. Il n'est pas allumé, là. J'étais habitué à ton autre format. Ah, les top 20. Les top 20, ouais, c'est ça. Donc, Mickey 3D, encore une fois, Les Chiens, Philippe B, Plywood 3 quarts, Luigi G, Surcharge, Les Ghouls, Mobile Session Team, Brazilian Girls... comme un homme libre que j'aimais beaucoup à cette époque-là. Dorothée est une salade qui est maintenant rendue les Dorothées qui vient de sortir un nouvel album. Top 3, en troisième position, Scud, S-K-O-D avec Come Down, du côté francophone, oui. Deuxième position, Les Trompe-l'œil avec Sur ton joli divan rouge. Les Trompe-l'œil, c'est Alex Champigny. Il a sorti un CD sous son propre nom et il a repris des pièces des Trompe-l'œil. Position numéro 1, on va l'entendre dans quelques secondes, The Steals avec Retour à Vega. Oui, vous avez bien entendu, on vient de jouer The Steals au numéro 1 anglophone de 2004. Eh bien, ils étaient aussi numéro 1 francophone en 2005. C'est assez bon, ça. C'était numéro 1 pendant, tiens-toi bien, après ta chaîne, pendant 10 semaines, entre décembre 2004 et mars 2005. Du côté anglophone, quelques noms, pourquoi pas. Stereophonics, Transplants, Porcupine Tree, Nine Inch Nails, Avenged Sevenfold, Death Cab for Cutie, Finch, Iron and Wine, Silver Tide, Paradise, Rammstein, 30 Seconds to Mars, The Mars Volta. Plein d'autres choses comme ça, c'est super bon. Flogging Molly, que t'adore. Oh, ben j'adore. Position numéro 3, System of a Down avec Cigaro. En deuxième, Tsar avec Band Girls Money. Et en position numéro 1, on va les entendre tantôt, Weezer avec We Are All on Drugs. Ça a été numéro 1 la semaine du 20 mai et du 1er juillet. Eh ben, mais on commence avec la position francophone, comme je le disais. Voici The Steals et Retour à Vega. Et après ça, on ira à l'année 2006. Hein? Les choses avancent. On va peut-être passer à travers. Peut-être pas aussi. Hein? Peut-être pas. Peut-être pas. Dépend. Ouais. On vous salue, vous tous, où que vous soyez. On ferait nom de ville ici. Ah ben, ça marche pas dans ce cas-là, par exemple. Ouais. C'est correct. Il y a du monde à Winnipeg qui nous écoute. Ah, bonjour à vous. Je suis tout à la fois l'actrice et le décor. Je ne sais où je vais le saurais-je. Je ne vais nulle part mais à toute vitesse. La lève des camions, le soleil aliénant. Sur le toit du Bancroft Building à Montréal. Les filles à moitié nues, je pense à toi souvent. OK, normalement, je ferais pas ça. Je couperais jamais une pièce pendant la diffusion. Je trouve que ça n'a vraiment aucun professionnalisme du tout. Mais c'est pas la version des Steals qu'on fait jouer là. C'est, dormant, c'est quoi ça? Qu'est-ce que t'as fait? C'est Pierre-Alain Faucon qui a repris une pièce de The Steals. Oh, je comprends pas ça. Oh, attends une minute. Il s'appelle Pierre-Alain Faucon. Faucon. Mais c'est hot comme nom, là. Ben, je sais. Je veux dire, c'est à peu près aussi cool que le joueur de hockey Hunter Lahache. C'est pareil, hein, finalement? C'est pareil. Ouais. Donc, on va écouter la vraie version de The Steals. On aura perdu 2 minutes, mais quand même, on va écouter la vraie version. Je pense que ça a bien du sens, tout ça. T'as dû repartir au même endroit que t'avais coupé l'autre. Ouais, c'est ça, comme dans une émission où le micro serait pas assez fort ou l'entrevue serait pas assez forte. Mais on dirait patché en allant dans le studio en disant... C'est des choses qui arrivent seulement à C'est fou! 89 FM! Ça y est, c'est reparti, je me divise en deux. ce drame à l'être déchirant et déchiré, les larmes de non-retour de la chaîne crevée. Weezer avec We Are All on Drugs, position numéro 1 pour l'année 2005. Ah, c'était fou. Et avant, du côté francophone, c'était The Steels avec Retour à Vega, qui était numéro 1, on le rappelle, pendant 10 semaines. C'est incroyable. Je n'en reviens pas. C'est de même, tu sais. Je le crois pas. Comme je crois pas que c'est la fin d'Assemblage d'Assemblage. Ouais. Hey, je suis passé proche de l'avoir, mais je ne l'ai pas eu du tout. C'est la fin de C'était fou. Merci beaucoup à Nicolas Ducharme. On va terminer quand même avec quelques trucs sur l'année 2006, parce qu'on va se quitter avec une pièce de Wolf Mother et Woman. J'adore. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, tu veux, mais encore, écoute, rapidement, en rafale, part. 23 janvier, élection du Parti conservateur du Canada, remplacé Paul Martin. Donc, depuis ce temps, et on est encore en train de voter pour ça, là. Hey. De 11 mars, décès du joueur de hockey Bernard Geoffrion, le soir où il devait voir son numéro être retiré par le Canadien de Montréal et décédé dans la journée. Donc, on a peut-être un petit peu trop attendu du côté du club montréalais. 13 septembre, fusillade au Collège Dawson. Kim Virgil qui entre, tire un peu partout, heureusement. Il n'aura fait, ben heureusement et malheureusement, mais bon, il n'aura fait qu'une seule victime, c'est-à-dire Anastasia de Souza. 20 autres personnes ont été blessées gravement, mais quand même, on peut se compter chanceux dans la malchance du côté des étudiants. Et finalement, 30 décembre, Saddam Hussein, jugé, accusé, reconnu coupable et pendu en l'espace de 30 minutes. On fait les affaires en grand en Irak. Ouais, vraiment. Tu parlais des élections qui ont lieu et juste pour les auditeurs, encore une fois, du mois de juillet ou dans ces coins-là, on félicite vraiment le inséré parti qui a gagné ici. Pour leur super grosse victoire. Ainsi que la victoire de Paul Brunel à Trois-Rivières. Ah! Pas besoin de... Bon! Merci, Nicolas. J'ai un feeling. Je pense que t'as peut-être raison là-dessus. Ouais. Donc, c'est ce qui termine cette édition de C'était fou. C'est aussi la fin de la première série. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez, comme toujours, retrouver les notes de l'émission et télécharger les balado-diffusions de chaque épisode sur assemblagerequis.com. Je remercie le directeur de la programmation et directeur musical Alain Lefebvre pour son aide à la recherche. Je remercie aussi le très joli Nicolas Ducharme qui nous a présenté ses éphémérides. Ça fait un plaisir. C'était vraiment bien. Les derniers de ma carrière. Ah, c'est vrai. Mais oui. Ah, t'es donc bien déprimant, toi. Fais pas l'émission de main. Excuse-moi. On finit sur un high. Ah ouais. Sur un high. Donc voilà, je m'appelle Mathieu Plante et n'oubliez pas, c'est pas parce que l'émission s'appelle C'était fou que ça l'est plus et que ça ne le sera pas encore moins. Attends, fou. Donc plus dans le futur, comme mettons cet été. Les gens le rendu là en cet été, ça va être malade. Pas la toune. On se quitte avec Wolf Mother numéro 1 du palmarès anglophone. Pour l'année 2006. Excellent. Bye. Bye.